Allez. Oui. Calme. Intérieur. D'accord. Suffirait. Suis de corde. Je suis d'accord. D'accord. À condition. Question. stabilisation nécessaire. Thank you. C'est beau. Malo. Malo. Because you are a boy too. Create about to do something with your fingers on your guitar song. About to sweet chords. About to. like a Diablo. Last one. entre nous. D'équerre, d'équerre, dès qu'il faut. Se mettre au service collectif. Okay. Allez. Excellent. Non, allez. Ha ha. Excellent. J'adore. Oui. Ça pourrait pas continuer si on se mettait pas d'accord. Pas d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Depuis le début, tu savais, ça pourrait pas continuer comme ça. Si on se mettait pas d'accord, je suis d'accord sur comment l'amour, love, se réforçait. Pas d'accord. Je suis d'accord sur ces fondamentaux. D'abord, je suis carré. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais d'abord, faudrait qu'on tombe d'accord sur les fondamentaux. Des châteaux en Espagne, fantasme contre fantasme. Il faudrait d'abord qu'on tombe d'accord. Fondamentaux. D'abord, qu'on tombe d'accord. Parce que je suis d'accord avec moi-même. C'est pas carré. Processus en action. Évolution. Le début, la fin d'une histoire d'amour. Dépression extrême. Nécessité. et tu m'aimais encore. Contre vents et marées, idéal absolu. Je crois que c'est mort. De nos jours désinhibés, hyper conscient. Non, c'est pas le vent, c'est pas la madrague. C'est Internet. Société. Thank you. connaissance du besoin. De ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, tellement projeté, tellement projeté. Ailleurs. Décorporé. En dehors. Seulement, on entendait ce qu'on sait déjà, ce qu'on sait déjà, on the place. Don't forget. Face à l'évidence de la catastrophe, non. Ceux qui dénoncent prennent acte. Bien sûr. Pass. Pass. Implacable évidence. Attendre.